Me voyez-vous ? Je suis là, partout autour de vous. Dans le bleu de la Méditerranée, dans les paysages spectaculaires des fjords et dans la magie des Caraïbes. Je suis prête à vous être révélée pendant votre croisière MSC. Alors embarquez pour découvrir des lieux merveilleux à partir de 599 € par personne. MSC Croisière, révélez la beauté du monde. Conditions en agence de voyage ou sur msccroisière.fr. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. L'idée de voyage, c'est notre série cette semaine. Interrogeons ce matin les fantasmes suscités parfois par les contrées lointaines, des fantasmes qui peuvent comporter plus de mépris qu'ils n'en donnent l'air. Troisième épisode, exotisme, orientalisme, pensifs et descendances. Les touristes nous amusent souvent. Que peuvent-ils voir quand ils sont tous là, agglutinés pendant un laps de temps quasi chronométré, avant de remonter dans leur car ? Cela dit, qui n'est jamais un touriste ? Comment échapper à la superficialité du tourisme quand on voyage ? Il y a aussi un certain mépris du tourisme, en effet. Un mépris sûr de lui, sûr de toucher le fond des choses, l'authentique, qui peut virer à son tour aux stéréotypes. Est-ce que vraiment un voyageur peut toujours savoir ce qui est authentique et important et ce qu'il faudrait guetter donc et trouver ? Ne serait-il pas alors prisonnier d'autres poncifs ? Le philosophe Heidegger, nous le verrons ce matin, peut avoir cette tendance. Ainsi, lorsqu'il s'est rendu en Grèce en 1962 et y cherchait une sorte de vérité profonde, loin des petits morceaux orientaux qu'il restait à contempler et dont se gavaient les touristes qui l'entouraient. Cependant, ce qui va surtout nous occuper ce matin, c'est un concept, le concept d'orientalisme, forgé par le penseur Édouard Saïd en 1978 pour dire comment l'Occident, depuis longtemps, adore regarder les pays orientaux en y décelant une essence fascinante. Or, ce regard, explique Saïd, cache beaucoup de désirs dominateurs. Bonjour Sonia Dayan-Herzbrun. Bonjour. Vous êtes philosophe et sociologue, professeur émérite à l'université Paris-Cité et vous connaissez extrêmement bien l'œuvre et le parcours personnel d'Édouard Saïd. Celui-ci apparaît dans votre auto-analyse sociologique, ce récit intitulé « Rien qu'une vie » que vous avez publié aux éditions Hémisphère en 2022. Et puis la revue Tumulte que vous co-dirigez depuis de nombreuses années a consacré un numéro entier à Édouard Saïd en 2010. Et bonjour Laurent Villevieille. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur en classe préparatoire littéraire à Brest et chercheur associé aux archives Edmund Husserl à Paris. Alors j'espère que vous me pardonnerez ma légère ironie à l'instant à propos de Heidegger, ce n'était qu'un préambule avant que vous nous parliez de manière plus substantielle du rapport de Heidegger au tourisme, au voyage, à l'authentique, à la notion de civilisation et à la temporalité même des voyages. Je précise que vous êtes l'auteur aux éditions Ellipse en 2022 d'un ouvrage intitulé Heidegger, une pensée de la présence. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Alors je voudrais qu'on commence justement par là, si vous le voulez bien, Laurent Villevieille. Heidegger est connu pour avoir critiqué ces touristes qui subissent d'ailleurs une certaine industrialisation de la chose, le tourisme. Je voudrais qu'on revienne au problème de l'être, même si c'est un peu difficile, mais on va poser deux, trois choses. Pour Heidegger, en 1927, dans Être et Temps, l'être est une dimension cachée qui exige, comme il le dit à un moment donné, une résolution pour essayer d'aller le trouver. À partir du milieu des années 30, il connaît un certain tournant et l'être est plutôt occulté et il faudrait attendre qu'il advienne. C'est le concept d'avenance de l'être. Et on voit cela très bien dans quatre conférences données à Brême en décembre 1942. Qu'est-ce que ça veut dire que les médias, mais aussi l'industrie du voyage, le capitalisme, mais aussi nos envies d'efficacité nous empêchent profondément de saisir l'être des choses ? Oui, alors effectivement, vous rappeliez la première phase de la pensée de Heidegger en 1927 avec Être et Temps, où la question de l'être, c'est-à-dire la question de la manière dont les choses nous sont présentes, était posée par Heidegger sur la base de ce que l'on pourrait appeler, pour simplifier, l'existence humaine. Comment est-ce que un homme, en tant qu'il existe, peut se rapporter à la question de la présence, sachant que la présence se dérobe toujours derrière ce qui lui est présent. C'est-à-dire que une même chose peut être présente de façon diverse selon les personnes, les moments de la journée, selon que le botaniste ou l'émondeur ou le vacancier regarde le même arbre qui ne leur sera pas présent de la même façon. Et effectivement, après cette période que Heidegger lui-même a qualifiée de tournant dans sa pensée, il a tenté de poser la question de la présence non plus à partir de la manière dont dans notre existence, cette question se pose, mais à partir de la présence elle-même, si l'on peut dire. Et comment a-t-il pu poser la question de la présence à partir de la présence elle-même? Eh bien, tout simplement, en développant quelque chose qui était déjà un thème de sa pensée dès le départ, mais qui va devenir prépondérant, qui est la question de l'histoire de la présence. Il y a une histoire de l'être pour Heidegger, et il s'est occulte, il est de plus en plus occulte, notamment à cause de nous aussi, si j'ai bien compris. Je voudrais qu'on s'applique vraiment au problème des voyages et du tourisme. Les quatre conférences de Brême, il y en a une qui s'appelle Das Ding, la chose, une autre Das Gestell, le dispositif, une troisième Die Gefahr, le danger, la quatrième Die Kehr, le tournant. C'est exactement, me semble-t-il, ce qui se passe lorsqu'on ne voit rien en voyage. C'est-à-dire que on est la chose nous reste absente largement, le dispositif nous occulte encore davantage ce qu'il y a à voir, et l'être est en danger, et la question est de savoir comment on pourrait réaliser un tournant. Mais y a-t-il la moindre chance pour Heidegger? Et puis surtout, qu'est-ce que c'est l'authentique? Oui, alors j'allais y venir en parlant d'histoire de la présence, justement cette histoire qui a été longue, qui remonte à la naissance de la Grèce, d'où aussi le voyage que Heidegger fait en Grèce en 1962, auquel vous faisiez allusion. C'est une longue histoire qui mène à cette figure particulière de la présence qu'est la technique. Nous y reviendrons sans doute, mais la technique se caractérise par le fait que rien ne nous est présent qui n'ait d'abord été disposé à être présent. Oui, ça c'est le dispositif, oui. C'est ça. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est quelque chose qui est assez parlant s'agissant du tourisme, puisque lorsque nous nous rendons quelque part dans un lieu hautement touristique, eh bien les choses sont disposées de telle sorte qu'elles soient prêtes à être vues, et à être, si je puis dire, consommées par l'industrie touristique. Donc ça, c'est la critique, disons, que la pensée de Heidegger permet immédiatement de formuler. Je vous propose d'écouter un extrait de cette conférence qui s'appelle La chose, Das Ding. En français, on les trouve dans les essais et conférences chez Gallimard. C'est un texte, en vérité, qu'on pense écrit en 1949, au moment où il l'a fait. Écoutez ce que Heidegger dit de la présence et de l'absence. Dans le temps et dans l'espace, toutes les distances se rétractent. Là où l'homme n'arrivait jadis qu'après des semaines et des mois de voyage, il va paraître en une nuit. Ce dont l'homme autrefois n'était informé qu'après des années, ou dont il n'entendait jamais parler, il l'apprend aujourd'hui en un instant, heure, par la radio. La germination et la croissance des végétaux, qui demeuraient cachés pendant tout le cours des saisons, nous sont maintenant présentés par le film en l'espace d'une minute. Seulement, cette suppression hâtive de toutes les distances n'apporte aucune proximité. Car la proximité ne consiste pas dans le peu de distance. Ce qui, grâce à l'image du cinéma, grâce au son de la TSF, est en distance le moins éloigné de nous, peut nous demeurer lointain. Ce qui, en distance, est immensément loin de nous, peut nous être proche. Petite distance n'est pas encore proximité. Grande distance n'est pas encore éloignement. Qu'est-ce que la proximité, si elle demeure absente malgré la réduction des plus grandes distances aux plus petits intervalles? Qu'est-ce que la proximité, si même elle est écartée par cet effort infatigable pour supprimer les distances? Qu'est-ce que la proximité si en même temps qu'elle nous échappe, l'éloignement demeure absent? Que se passe-t-il alors que, par la suppression des grandes distances, tout nous est également proche, également lointain? Quelle est cette uniformité dans laquelle les choses ne sont ni près ni loin, où tout est, pour ainsi dire, sans distance? Dans le flot de l'uniformité sans distance, tout est emporté et confondu. Et quoi? Ce rapprochement dans le sans distance n'est-il pas encore plus inquiétant qu'un éclatement de toute chose? C'était un texte de Heidegger lu par Antoine Ravon de l'équipe d'Avec Philosophie. Sonia Dayan-Herzbrun, je sais très bien que Heidegger ne fait pas partie de vos auteurs, disons, privilégiés dans vos travaux. Mais enfin, la question de la distance et de la proximité est une vraie question quand on s'intéresse au voyage, à l'ethnologie, à la sociologie. Et sur ce point, on ne peut peut-être pas lui donner tort à Heidegger. On peut s'approcher aussi près qu'on veut et ne jamais rien voir et être à distance des choses. Absolument, non mais tout à fait. Donc, moi je découvre ce texte parce que je connais extrêmement mal Heidegger, mais ce texte est effectivement très très très intéressant. Je pensais en écoutant, en lisant, je pensais à ce qu'écrit Virilio par exemple sur, oui, sur le temps. Effectivement, mais bon, mais par ailleurs, pour je veux dire cette question de la, enfin moi sont des questions qui sont très éloignées de mes propres réflexions, même si mon champ de réflexion est quelquefois trop vaste. Donc mais c'est tout à fait intéressant. Dans un instant, on va parler d'Edouard Saïd, qui est une figure qui a beaucoup compté pour vous et qui est majeur au XXe siècle. Précisément, Saïd est perturbé et fortement critique en ce qui concerne les filtres que nous mettons par rapport au réel. L'orientalisme dont nous parlerons, c'est aussi, on a beau faire des voyages, s'approcher comme Lamartine, Chateaubriand, Pierre Loti ou qui, n'importe qui d'autre, on peut avoir encore des filtres dans la tête qui nous mettent très à distance. Ce ne sont pas des filtres. Saïd ne s'intéresse pas au voyage en tant que tel, à la différence de Heidegger. Ce, oui, sont les récits. C'est-à-dire que ce qu'il écrit sur les récits de voyage s'inscrit dans une vision beaucoup plus large, qui est celle de l'orientalisme, qui est un ensemble de formations discursives. Donc ce sont des récits parmi d'autres, parmi des textes scientifiques, des textes politiques, ce sont des éléments d'un ensemble, et je pense que ce n'est pas qu'on ne voit pas, ce sont pas, enfin, vous avez utilisé tout à l'heure le mot de fantasme, ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des représentations structurantes, hein, et qui structurent le comportement politique et qui valent comme structurant de tout le comportement d'une société. Donc c'est au-delà des fantasmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réel. Il n'y a pas de réel, justement, c'est le réel disparaît. Il n'y a pas de réel, il n'y a que ces représentations, en tout cas, parce que ce sont aussi des représentations à la fois qui fabriquent un Orient, mais qui construisent aussi l'Occident, c'est-à-dire qui fabriquent cette vision binaire du monde. Donc, je pense que entendu, voilà. Entendu, mais il n'y a pas de réel. C'est très important comme phrase. Nous sommes pris dans des représentations que nous n'avons pas, en général, choisies. Et la question du réel tel qu'elle vient d'être posée là par Sonia Dayan-Herzbrun fait-elle écho ou non au problème de l'être de Heidegger? Oui, dans la mesure où ces représentations ne dépendent pas de notre bon vouloir ou de notre décision de nous représenter les choses de telle ou telle façon. Nous sommes les enfants d'une époque et cette époque nous permet de nous représenter les choses de telle ou telle façon. Or, ce qui fait que nous sommes les enfants de cette époque est précisément que nous appartenons à un monde qui nous précède et qui décide, pour une bonne part, de la manière dont le monde nous sera présent. Mmh. Et on en revient donc à cette question de la présence. Dans représentation, il y a présence. Oui. Et donc, évidemment, la représentation suppose plutôt une activité du sujet, mais en même temps, le sujet est précédé, de ce point de vue, par quelque chose de plus ancien que lui et qui décide de son activité représentative. Alors, une chose étonnante, c'est qu'Heidegger, aussi critique qu'il ait pu être du tourisme organisé particulièrement, a fait un voyage en groupe, et pas n'importe où, en Grèce. Il avait 73 ans. Pourquoi, d'après vous, il a fait... Alors évidemment, le texte « Séjour », on l'a eu de manière posthume. Enfin, il y a tellement de textes de Heidegger qu'on a de manière posthume que c'est pas forcément, disons, singulier, là, pour comprendre ce texte. Qu'est-ce qu'il voulait faire, d'après vous, en allant dans un groupe, dans un car? Enfin, on imagine tellement mal Heidegger là-dedans. Quelle est votre lecture? Alors d'abord, il ne s'y est pas rendu sans beaucoup d'hésitation. Le voyage a été longtemps imaginé, mais ne s'est pas réalisé parce qu'il hésitait beaucoup à y aller. Précisément parce que, la proximité n'étant pas la réduction de la distance, il pensait pouvoir être plus proche de la Grèce par la lecture de Pindare, d'Homère ou de Eschyle qu'en se rendant le site même de la Grèce. Et donc c'est avec beaucoup d'appréhension qu'il s'y est rendu, et contre toute attente, quelque chose s'est passé. Alors, il décrit les autres qui lisent des guides de voyage, je cite, bien documentés et des livres joliment écrits sur la Grèce. Tout son mépris perce là. C'est pas comme ça qu'on comprend la Grèce. Et il y a quand même cette idée que lui a un accès à, j'ai presque envie de dire, la grécité, une sorte d'essence profonde d'être de la Grèce. Et je me demande s'il n'y a pas là des stéréotypes encore dans la conception même de l'être authentique. Écoutez cet extrait. Là-dessus, on commença dans l'après-midi à apercevoir les baies boisées d'Ithaque. Il fallut d'abord pas mal de temps pour savoir où le bateau allait accoster. De façon imprévue, le bateau effectua un tournant qui dégagea alors la vue sur une localité dont les maisons claires s'étageaient sur les pentes. Écoliers et gens du pays, accompagnés de leur mère, qui avait été autrefois en Allemagne, saluèrent les hôtes allemands avec une déférence amusée. La patrie d'Ulysse. Cette fois encore, beaucoup de choses ne collaient décidément pas avec l'image que j'avais sous les yeux depuis le temps du lycée de Constance où j'avais abordé la lecture d'Homère guidée par les conseils d'un excellent professeur. À nouveau, comme dans le port de Céphalonie, manquait cet élément grec dont les traits s'étaient précisés au fur et à mesure des études ultérieures et à la faveur d'une explication approfondie avec la pensée antique. Non pas un paysage idéal, mais un monde parlant avec toujours plus d'insistance et ébranlant les opinions qu'on s'en fait habituellement. Pas non plus un tableau d'histoire englobant tous les domaines de vie et toutes les époques historiques de la Grèce. Plutôt l'appel, l'invitation permanente à conférer au Dasein grec tout entier sa physionomie spécifique. Allez savoir ce qui irait s'en manifester à Ithaque. Au lieu de cela, nous voilà en présence d'un morceau d'Orient, de byzantinisme. Un pope nous fit voir la petite église avec son iconostase et après avoir reçu de petites offrandes, alluma des cierges. Pour nous saluer, des femmes nous tendaient des fleurs de leur jardin. Des enfants nous en apportaient sur les chemins. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Sonia Dayan, vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de réel, il n'y a que des représentations. C'est d'ailleurs un problème, parce qu'elles ne se valent peut-être pas toutes, ces représentations. Et là, vous avez un Heidegger qui moque un peu les représentations des autres. Enfin, il ne discute pas beaucoup non plus avec les gens dans le car, hein, mais qui est certain de toucher ce qu'il appelle le Dasein grec. Notre autre invité nous expliquera peut-être ce dont il s'agit. Est-ce que vous êtes méfiante à l'égard de ce genre de certitude? Oui. Non, mais c'est alors là, c'est effectivement un fantasme. C'est-à-dire que c'est une Grèce fantasmée à partir du 19e siècle et qui, quand même, est maintenant, enfin, a été contestée. Il y a des travaux, il y a en écoutant, il y a le livre de Martin Bernet, un Black Athéna. Je veux dire, ce sont des. Alors, Moi, je me reconnais aussi là-dedans parce que j'ai fait aussi avec les mêmes illusions le voyage en Grèce. Hein, on rêvait de cela, c'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on allait se trouver, en face du monde d'Ulysse ou bien en face du monde de Platon. Et puis voilà. Mais c'est effectivement c'est un fantasme, mais qui est construit à partir de plein de travaux, mais qui n'est pas de l'orientation. Mentalisme, qui est un petit peu autre chose, c'est-à-dire qui est l'ensemble de toutes ces représentations, alors imaginaires, cet imaginaire qui se constitue en Occident, en Europe, à partir du début du 19e siècle, avec l'histoire aussi, et qui est quand même maintenant qu'on met en cause, en tout cas qu'on interroge, parce qu'on sait bien qu'il y avait plein d'échanges avec l'autre côté de la Méditerranée, que les Grecs étaient peut-être pas tellement blancs, que voilà. Donc il y a beaucoup de choses maintenant qui sont mises en cause, mais c'est intéressant parce que moi je me reconnais à l'époque, dans les rêves que nous avions quand j'étais lycéenne. C'était... Bon. Mais c'est-à-dire qu'on a l'impression, Laurent Villevieille, que Heidegger a des certitudes concernant la Grèce, mais nous on sait, parce qu'il y a plein de travaux là-dessus, que les Allemands se sont beaucoup racontés pendant l'époque romantique, qu'ils étaient les vrais héritiers de la Grèce, qu'ils étaient les Grecs d'aujourd'hui. Ça n'a pas d'ailleurs donné des choses très belles sur le plan politique, mais Goethe prévenait déjà... tôt, et puis ensuite Nietzsche a trouvé épouvantable cette façon qu'avait un certain romantisme allemand de se prendre pour les Grecs de la modernité. Heidegger, il est là-dedans à fond, non ? Alors, je ne dirais pas qu'il est là-dedans à fond. Avant de répondre à votre question, je voudrais préciser que, à mon avis, le mépris que vous prêtez à Heidegger s'agissant des touristes est à nuancer, dans la mesure où il se sait lui-même embarqué là-dedans. Et d'ailleurs, à un moment donné, il dit jamais d'un bout à l'autre du voyage ne m'est venu à l'idée de contester que des gens aient le droit de prendre plaisir à ce genre de voyage en Grèce. Alors, il est conscient de cette entreprise touristique, de cette industrie touristique dans laquelle il se trouve pris. Simplement, l'originalité de ce voyage de Heidegger en Grèce consiste non pas à penser qu'il quitte un chez-soi pour aller voir un ailleurs qui serait fantasmé, mais à considérer que justement, dans le monde moderne, il n'y a plus de chez-soi. Que l'on soit dans la forêt noire ou sur l'acropole, au fond, c'est l'accès au lieu qui est éminemment difficile. Et l'originalité de sa pensée consiste à dire que l'accès au lieu est quelque chose qui suppose de remonter à ce qu'il identifie comme la source même de ce qui peut avoir lieu, c'est-à-dire la source même de la pensée occidentale. Donc c'est le Dasein grec évoqué dans ce texte. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que cela veut dire. Oui, alors Dasein est une expression qui est difficile à traduire. Couramment, ça veut dire l'existence. Mais c'est un mot qui est riche de sens, puisque ça signifie, disons, avoir quelque chose comme le rapport à un là, c'est-à-dire à une présence. Donc le Dasein grec est la manière dont le monde s'est ouvert au regard grec. Alors, quel grec ? Dans son récit, il est remarquable que Heidegger ne cite pas à un seul moment de philosophe. Il cite Hölderlin, il cite Pindare, il cite Échille, il cite Homère, Héraclite, au mieux, mais il s'agit en fait de la Grèce qui a précédé la naissance de ce que nous appelons philosophie, enfin avec Platon et Aristote. Mais est-ce que ce n'est pas un choix, là encore ? Ah, c'est la Grèce qu'il aime, et au fond, c'est là qu'il y a aussi des tas de représentations. Les Grecs n'étaient pas que Échille, Homère et Platon. Les Grecs, c'était une société. Par exemple, il y avait des femmes. Certes, elles n'avaient pas de rôle politique. Il y avait des enfants. Enfin, même si elles l'avaient, mais sans être, disons, citoyennes, elles agissaient, bien sûr. On le sait aujourd'hui. Mais au fond, est-ce que Heidegger n'est pas lui-même en train de fabriquer une Grèce, un Dasein grec, loin de la... Alors, je vais quand même dire le mot, Sonia Dayan, loin d'une réalité sociale et historique de la Grèce. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais moi, je suis très intéressée par cette idée de remonter à la source, parce que tous ces voyageurs, alors les autres voyageurs français et anglais, hein, qui vont cette fois-ci du côté de l'Orient, ils vont aussi vers leur source, sans regarder les gens qui vivent réellement sur place, mais ce sont d'autres sources, c'est-à-dire ce sont d'autres sources, mais il y a cette même idée de remonter à une source, à une prétendue authenticité ou quelque chose où on ne va pas à la rencontre des autres, mais on est à la recherche de soi-même. Et ça, c'est une énorme illusion, mais je pense que ça c'est très et là vraiment ça se recoupe, sauf que Saïd en fait la critique. Oui, que, on va y venir maintenant. Voilà. En effet. Mais quand même, critique. Un mot à la défense, même si je ne mélange pas les spécialistes des auteurs et les auteurs. Vous pouvez aussi ne pas aimer l'auteur sur certains points, l'auteur que vous connaissez bien, Laurent Villevieille, mais c'est vrai que Heidegger va chercher un peu quelque chose comme l'identité occidentale, au lieu d'aller chercher la Grèce, quoi, qui a sa spécificité et une forme d'altérité pour nous, hier comme aujourd'hui. Alors, je suis pas sûr que le terme d'identité serait apprécié par Heidegger. Disons que, par rapport à ce que vous disiez sur la société grecque, c'est d'abord, Heidegger était quelqu'un de très cultivé, il s'y est beaucoup intéressé. Simplement, c'est plutôt que dans Eschyle, comme dans les temples qu'il verra en Grèce, il voit quelque chose comme la source de cette société même. C'est-à-dire ce à partir de quoi une société peut se déployer. Alors c'est évidemment une recherche qui n'est pas une recherche anthropologique, mais qui est une tentative de voir dans la manière dont le regard des hommes a pu s'opposer sur ce qui les entoure, et dans la manière dont ce qui les entoure s'est offert à leur regard, quelque chose qui a pu leur inspirer tout ce qu'ils ont pu faire, bâtir et être. C'est en ce sens-là qu'il tente de remonter à la source. Entendu. Alors, il est temps maintenant d'aller rencontrer Édouard Saïd. Édouard Saïd, qui est né en 1935 à Jérusalem-Ouest, à l'époque peuplée surtout d'Arabes. Il a beaucoup raconté son histoire. Son père était américain, citoyen américain et palestinien, protestant. Sa mère est née à Nazareth, dans une famille libanaise chrétienne. Sonia, d'ailleurs, vous connaissez sa vie par cœur et son œuvre. Je propose qu'on écoute sa voix tout de suite, puisqu'il a fabriqué Pardon ? Je vais pleurer. Bon, mais c'est pour ça que je vous ai invité, parce que j'aime bien qu'il y ait de l'incarnation, si je puis dire. Donc, le concept d'orientalisme fabriqué, conçu par Édouard Saïd en 1978, permet de souligner que souvent nos représentations de l'Orient refabriquent l'Orient et parlent plus de nous que de l'Orient. On l'écoute. Ce que je constate dans mon livre, c'est que ce discours n'est pas suffisant. C'est un discours trop général, basé sur des idées trop simplistes. L'idée d'islam, par exemple, l'idée de la mentalité islamique, la mentalité arabe, le despotisme oriental, qui n'explique rien. Et c'est pour ça que je blâme, si vous voulez, ce discours, cette tradition qui remonte à la période impérialiste. C'est-à-dire, c'était toujours lié à l'administration coloniale. Comment on parlait de l'Orient sans être taxé d'orientalisme? Mais comment pouvoir en parler? Non, on ne peut pas parler. C'est ça que je veux dire. Alors, on ne peut pas parler. Non. Il faut parler à travers des idées très spécifiques. Si vous parlez de la société dans une telle période, c'est-à-dire, il faut chercher des idées qui correspondent plus fidèles à l'expérience humaine. Édouard Saïd, invité à l'époque à Antenne de Midi, c'était en octobre 1980. On ne peut pas parler, ou alors il faut faire très attention. Ça rejoint beaucoup votre phrase. Il n'y a pas de réel. C'est-à-dire qu'il y a Sonia pas de... Il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience, il y a de l'histoire. Alors justement, la société grecque, je sais pas, c'était aussi ce qui s'est passé entre, mettons, le 5e ou 4e siècle avant notre ère et puis aujourd'hui. C'est tout ça qui est passé sous silence dans l'orientalisme, sauf que Saïd ne s'intéressait pas à la Grèce, mais en très gros Moyen-Orient arabe, c'est-à-dire à ces pays qui ont été colonisés par la France et par la Grande-Bretagne au cours du 19e siècle. Et donc c'est au cours du 19e siècle pour lui que l'orientalisme est né, ou bien y a-t-il des racines plus anciennes ? Il y a une coupure, c'est-à-dire qu'effectivement, on parlait d'orientalisme avant. Il y a beaucoup d'ambiguïté, sur ce terme d'orientalisme. Saïd l'a choisi. En même temps, il lui a donné une acception très particulière. Donc l'orientalisme tel qu'il le conçoit, on peut considérer qu'il commence avec l'expédition de Bonaparte en Égypte, en gros. Hein, oui. Voilà. Donc, et qui, quand Bonaparte dit du haut de ses pyramides, je ne sais pas combien de siècles vous contemple, je crois que c'est 40. Donc il n'y a que les pyramides, il n'y a que l'Égypte des pharaons, entre l'Égypte des pharaons et le moment où Bonaparte arrive en Égypte, il ne s'est rien passé, il n'y a pas de genre réel, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de société égyptienne, il n'y a pas l'arrivée de l'islam qui restructure la société, il n'y a pas l'arrivée du christianisme, il n'y a rien. Donc c'est cela qu'il est question, c'est de ce que vivent vraiment les gens et de l'expérience, c'est le terme d'expérience, en quoi, voilà, oui, en quoi est très important. Il est très... Voilà, il est, parmi d'autres choses, il est tout à fait adornien. Alors nous parlons ce matin de nos poncifs, nos représentations simplistes, pour reprendre le mot d'Edouard Saïd dans le son que nous avons entendu, notamment à propos de l'Orient. Mais nous avons un peu introduit la question avec Heidegger en voyage en Grèce. C'est une des découvertes que j'ai faites cette semaine, qu'il s'était rendu en Grèce. Donc merci à Laurent Villiers et à Sonia Dayan-Herzbrun d'évoquer tous ces problèmes. Et nous en arrivons maintenant donc à la figure très importante d'Edouard Saïd. Bon, vous l'avez bien connu. Personnellement aussi, Sonia Dayan-Herzbrun. C'est d'abord un jeune homme qui va faire des études aux États-Unis, qui se vit comme un Palestinien, qui va faire une thèse, il fait la littérature, il travaille sur Joseph Conrad, qui lui-même est un grand exilé. Ce n'est peut-être pas anodin qu'il ait choisi d'emblée, avant de devenir professeur de littérature comparée à Columbia University, qu'il ait choisi en 1951 de travailler sur Joseph Conrad. Oui, il y a une, on pourrait dire, une affinité élective entre Edouard Saïd et Joseph Conrad. Dominique Hédet parlait de Conrad comme d'un compagnon secret d'Edouard Saïd. Et puis Edouard Saïd est toujours revenu sur Conrad, qui avait beaucoup d'importance pour lui, parce que je pense que ce qu'ils avaient probablement en commun, c'est d'être en terre étrangère, pour reprendre le titre d'un texte de Schnitzler, c'est-à-dire d'être en terre étrangère en parlant, en écrivant dans une langue qui n'était pas leur langue. Ce qui est le cas de Saïd aussi. Saïd, il était, donc il est allé dans une école anglaise au Caire, où il a passé toute son enfance et son adolescence, mais en même temps, il était d'une famille arabe, à la fois palestinienne et libanaise. Donc c'était cet aspect multiple, hein, et cette, enfin, moi je reprends beaucoup à propos de Saïd le terme que Martin Jay a utilisé pour Adorno et les autres, d'exilé permanent. Oui. Hein. Alors Conrad aussi. Oui, Conrad, il s'appelait Joseph Theodor Conrad Korgeniowski, je ne suis pas sûre de bien prononcer. Il est né en Ukraine, ce qui était l'Ukraine en 1857, Berdichev, bon après. Il y aura la Pologne, la Russie, enfin c'est un lieu... Il sait ce que c'est que l'impérialisme, pour le coup, Conrad, de l'endroit où il est né, convoité. Et il voyage énormément. Au cœur des ténèbres, en 1899, est l'histoire d'un marin anglais, comme lui, qui voyage en Afrique subsaharienne. Bon, il n'est pas certain que Conrad ait eu un regard... totalement privé d'orientalisme. D'orientalisme, c'est pas l'Orient, l'Afrique. C'est-à-dire que Conrad, alors Saïd n'a pas écrit que sur l'Orient, il a écrit un livre magnifique, enfin, qui est un recueil d'essais qui s'intitule Culture et impérialisme. C'est-à-dire que c'est tout le rapport entre la culture et l'impérialisme qui était au cœur de la réflexion de Saïd, qu'il a développé justement après l'orientalisme. Mais Conrad, ce qu'il y avait de particulier chez Conrad, c'est que Conrad, à la fois, il est pris dans cette vision, disons, coloniale, et en même temps, il la donne à voir, c'est-à-dire qu'il la révèle, comme dans Au cœur des ténèbres, comme dans tous ses magnifiques romans, enfin, ou ses nouvelles, enfin, c'est un écrivain absolument extraordinaire, donc, et c'est ça que Saïd a apprécié chez lui, c'est que, enfin, outre ses qualités absolument exceptionnelles d'écrivain, c'est qu'il donne à voir, c'est-à-dire qu'il rend visible. Alors bien sûr, Au cœur des ténèbres, ce livre qui a été tellement commenté, le personnage de Kurtz, etc. Et même. Et qu'est-ce que Saïd, dans l'orientalisme, prenant ce livre, rend visible? Quelle sorte d'Orient, alors d'accord, on excepte bien sûr l'Afrique, mais l'Orient, quelles sont les images qui collent à l'Orient en Occident, qui sont en réalité des représentations qu'il faut donner à voir pour qu'on voit peut-être un jour l'Orient autrement? Oui, ben c'est un livre extrêmement complexe, l'orientalisme. C'est tout un ensemble où il y a à la fois des choses qui enfin il y a la vision, la constitution de la vision de l'oriental. Donc la, enfin unifié, il y a un oriental. Un Orient, enfin, oui, c'est ça, c'est déjà l'essentialisme. Oui, il y a un premier point qui est très très important et qu'on voit dans les textes littéraires, c'est-à-dire que c'est un Orient qui est vide de ses habitants. C'est un Orient où les voyageurs, parce qu'il y a des questions de voyage, et ensuite les militaires, etc., vont à la rencontre d'eux-mêmes, mais où il n'y a personne. C'est le désert, ça se voit aussi dans les peintures orientalistes. C'est la fameuse formule, une terre sans hommes pour des hommes sans terre. C'est-à-dire, ce sont des terres sans humains, ou s'il y a des humains, ce sont des silhouettes, mais qui n'ont pas d'existence, pas de relations sociales, pas d'histoire, et qui ne sont pas légitimes à être là. C'est-à-dire que, du coup, enfin, Lamartine l'exprime très bien, qui sont là pour être gérés et administrés parce qu'ils n'ont aucune autonomie. Et les femmes, par exemple? Alors, les femmes, il y a tout l'aspect sexuel qui est très très important aussi. Expliquez-nous donc un peu. Voilà, oui. Il y a tout l'aspect sexuel. Alors, dans toute colonisation, bien sûr, il y a un aspect sexuel. De toute façon, la pénétration en Orient est fantasmée comme viol. Donc, il y a cette vision de femme toujours offerte, de femme objet. Lascive, l'orientale, lascive, orientale, qui ne sont que des choses. Enfin, là, ce ne sont pas des personnes. Et il y a cette sexualisation, il revient beaucoup là-dessus à la fin de l'orientalisme, cette sexualisation des orientaux et des musulmans, qui est quelque chose qui perdure. Hein. Donc, Alors, on va écouter un extrait de l'orientalisme d'Edouard Saïd, ce livre de 1978, un extrait où il évoque précisément le voyage de Lamartine en Orient en 1833. Quand il commence son voyage en Orient en 1833, Lamartine le fait, dit-il, comme quelque chose à quoi il a toujours rêvé. Un voyage en Orient était comme un grand acte de ma vie intérieure. Il est un paquet d'idées préconçues, de sympathies, de préventions. Il hait les Romains et Carthage et aime les Juifs, les Égyptiens et les Hindous, dont il prétend devenir le Dante. Armé d'un poème formel d'adieu à la France, dans lequel il énumère tout ce qu'il compte faire en Orient, il s'embarque. Au début, tout ce qu'il rencontre, ou bien confirme ses prédictions poétiques, ou bien réalise sa propension à l'analogie. Lady Hester Stanhope est la Circé des déserts. L'Orient est la patrie de mon imagination. Les Arabes sont un peuple primitif. Il ajoute, toutes les pages de la poésie biblique sont gravées en lettres majuscules sur la face sillonnée du Liban. L'Orient témoigne de la grandeur séduisante de l'Asie et par comparaison de la petitesse de la Grèce. Peu après son arrivée en Palestine, cependant, il devient l'incorrigible créateur d'un Orient imaginaire. Il soutient que les plaines de Canaan sont représentées à leur avantage dans les œuvres de Poussin et de Claude Lorrain. Son voyage, qui avait été jusqu'alors une traduction, comme il le disait, est maintenant transformé en une prière qui exerce sa mémoire, son âme et son cœur plus que ses yeux, sa pensée et son esprit. Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman. Édouard Saïd était lu par Antoine Ravon à nouveau, de notre équipe, et dans ce texte, il évoque Lamartine. Un voyage en Orient était comme un grand acte de ma vie intérieure. C'est une phrase très intéressante qui est de Lamartine lui-même. Et je pense à Heidegger, là, à nouveau. Excusez-moi, Laurent Villevieille. ce repli sur l'intériorité pour savoir exactement ce qu'on est en train de voir, l'idée d'y aller pas pour rencontrer les gens, comme l'a dit très bien Sonia Dayan-Herzbrun, mais pour se connecter à une essence profonde. Là, Lamartine pense que ce sont dans des œuvres de Poussin, par exemple, qu'il y a le vrai Orient. Mine de rien, Heidegger aurait signé. Il trouverait ça pas mal, non, qu'on essaye de se reconnecter à l'intérieur de soi avec les choses. Alors, de cette façon-là, en tout cas, j'en doute, dans la mesure où, précisément, ce qu'il s'agit de trouver en Grèce, pour Heidegger, est le contraire d'une intériorité, puisque l'intériorité est quelque chose que Lamartine, d'ailleurs, incarne très bien, qui est une figure de la modernité. Mm-hmm. Et ce qu'il s'agit de faire pour Heidegger, c'est d'arriver à trouver une autre source que celle qui s'est donnée à partir de la naissance de la pensée moderne, c'est-à-dire une autre source que la subjectivité. Et donc aller en Grèce, c'est se préparer à rencontrer autre chose que soi. Ce qui est d'une extrême difficulté, et pour les touristes qui entourent Heidegger, et pour le touriste qu'il est lui-même. Et toute la difficulté, donc. Oui, vous avez raison. Il s'en sort toujours, Heidegger, si on l'accusait d'être subjectiviste ou romantique. C'est vrai qu'il souhaite se démarquer de cela. Et de ce point de vue-là, le fait que ce soit Lamartine permet de dire que ce n'est pas du tout du Heidegger. Il n'empêche que pour quelqu'un comme Saïd, qui démasque l'orientaliste Sonia Dayan-Herzbrun, il y a une incapacité à voir et à rencontrer ce qu'on a sous les yeux qui agace Saïd et qui est vrai qu'il s'agisse d'un romantisme ou qu'il s'agisse d'une prétention à toucher un authentique, non ? Oui, mais c'est plus qu'un agacement. Oui, oui, bien c'est sûr. C'est plus qu'un agacement, c'est-à-dire qu'il y voit finalement ce qui permet, disons aux gens, d'accepter la conquête de l'Orient dans toute sa violence militaire, hein, et l'asservissement... C'est de la domination. La domination et l'asservissement de les massacres, l'asservissement des peuples, etc. Il faut voir tout ce qui se passe au cours du 19e et du 20e siècle. Alors, la grande préoccupation de Saïd, bien sûr, c'est la question de Palestine, hein, puisqu'il publie la question de Palestine tout de suite après l'orientalisme et qu'il travaille aux deux livres à peu près en même temps. Mais donc c'est bien au-delà de ça. Sauf que comment se fait-il, je veux dire, la question qui, enfin, telle que je la comprends en tout cas, la question qu'il se pose, c'est comment se fait-il que nous acceptions, et dans il travaille tous ces textes comme quelqu'un qui a été très formé à la psychanalyse, c'est-à-dire en cherchant le latent, les toutes petites phrases, les toutes, oui, petites choses qui sont derrière et qui en donnent finalement le sens et qui font que l'on consent, oui, à ce qui se passe quand même de, oui, moralement, éthiquement tout à fait répréhensible. Et la grandeur, le mot est dans le texte, là, à propos de la grandeur de l'Orient, en vérité, semble jouer comme le miroir de la grandeur des Occidentaux qui vont là-bas. Mais oui, et c'est qui dominent. La grandeur du passé, c'est ce mythe de la Terre Sainte qui se construit aussi à cette époque-là, c'est-à-dire c'est l'autre, c'est le fameux texte Rome et Jérusalem, c'est-à-dire c'est l'autre source de l'Occident, et c'est cette autre source de l'Occident vers laquelle se dirigent, oui, ces voyageurs, mais parce que les gens qui sont sur place ne valent rien, donc ils sont là pour être soumis, asservis, dominés. Oui, alors parlons un peu, etc. Oui, des sources théoriques aussi de Saïd, qui a inventé sa propre conceptualisation, ça c'est sûr. Mais il y a à un moment donné un croisement avec Michel Foucault. Michel Foucault, dans sa leçon inaugurale au Collège de France en 1970, publiée l'année suivante chez Gallimard, écrit ceci. Le discours n'est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce par quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à s'emparer. Il y a du pouvoir dans le discours. C'est clair pour Saïd. Oui, c'est clair pour Saïd. C'est clair pour Saïd, sauf que quand même, il y a d'autres sources, hein. Pour Saïd, il y a Gramsci, en particulier, je dirais, il se démarque de, enfin, il reprend effectivement, il a cet héritage par rapport à Foucault qui est très important, mais il se démarque très tout de suite dès les premières pages de l'orientalisme de Foucault en se référant à Gramsci, parce qu'il dit tout de suite qu'il parle de lui. C'est-à-dire que Foucault n'a jamais dit « je », ça lui a été beaucoup reproché. Or, Saïd dit « c'est parce que moi j'ai vécu ça, c'est parce que moi je me suis vécu comme... » oriental, orientalisé, rejeté d'une certaine manière dans l'ambiguïté de la société américaine, ou même quand il était enfant au Caire dans cette école anglaise où il en était sans en être, c'est-à-dire on lui faisait toujours sentir sa différence qu'il n'en était pas, et c'est à partir de là qu'il théorise et qu'il réfléchit. Et ça, ce n'est pas du tout présent chez Foucault, et je pense, moi, c'est une chose qui me touche particulièrement chez Saïd, qui a écrit sa propre autobiographie, ou c'est en tout cas le récit de son enfance, c'est-à-dire ce souci de dire « je ». Oui. J'écris parce que c'est mon histoire aussi. Alors, la question qui se pose aussi, c'est de savoir si il faut être oriental pour comprendre la domination et le simplisme des représentations sur l'Orient. Si on est marxiste, et Gramsci était marxiste, c'est pas si simple. L'idéologie, pour parler comme Marx, le consensus, pour parler comme Gramsci, concerne aussi les dominés. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a beaucoup d'orientaux, tout à l'heure on aura une musique pour vous, qui joue le jeu de l'oriental. Bien sûr. Expliquez-nous ça. Oui, d'abord Marx lui-même, avec son concept de despotisme oriental, Marx lui-même est orientaliste. Enfin, il donne dans l'orientalisme, donc c'est. Mais c'est. Là, je ne sais pas vraiment de réponse. Moi, j'ai fait ma propre interrogation pour savoir à partir de quel moment j'avais été tellement sensible à tout ça. Et puis les gens des pays concernés s'orientalisent eux-mêmes aussi, pas toujours. Alors qu'est-ce qu'il faut pour l'éviter ? Je vais reprendre le concept gramsciste quand même de d'hégémonie, c'est-à-dire que l'hégémonie est tellement forte que elle, enfin, c'est aussi la problématique de Fanon dans Peau Noire, Masque Blanc. Et Fanon est aussi une des sources de Saïd. Ces représentations sont tellement fortes qu'elles jouent aussi sur les dominés, c'est-à-dire que les dominés se les approprient. Et il y a tout un travail, qui ressemble finalement au travail qu'on mène au cours d'une cure psychanalytique, qui consiste à finalement prendre conscience. Et Saïd lui-même, c'est un long chemin de prise de conscience. Et il n'est pas resté totalement. Il y a certains aspects par lesquels il ne s'est pas tout à fait débarrassé de cette vie. De cette vision occidentale, ce sont ses choix musicaux, mais ça, c'est encore autre chose. Alors, je suis contente que vous y alliez, parce qu'à travers la musique, qu'est-ce qu'il faisait comme musique ? Il était pianiste, il jouait très très bien du piano, mais il a commencé à apprendre le piano très tôt, au Caire. C'était un excellent pianiste, il a écrit aussi des critiques musicales absolument remarquables. Il écrivait en particulier dans The Nation, et ses textes ont été rassemblés et publiés. Mais en même temps, il avait peu d'accès à la musique de sa région d'origine, à part Oum Kalsoum, mais qu'il a découverte tardivement. Et ce qu'il aimait chez Oum Kalsoum, c'était que Oum Kalsoum chante avec des variations, et il, en faisant quantité de variations sur le même thème, et cette question des variations, Saïd la retrouve aussi chez ce procédé de la variation, chez les grands musiciens. Alors, la musique, c'est aussi un des liens qu'il tisse avec le philosophe Adorno. Oui. Alors, Adorno, il pense peut-être, à la différence de Foucault, qu'il y a des brèches possibles dans la domination. Il y a des petits gestes, des petites prises de conscience qui peuvent un peu faire bouger les choses, même si c'est quand même quelqu'un d'assez pessimiste. Mais il y a cette ouverture, notamment, dans Minima Moralia, et le titre est important, des choses minimes, en 1951, qui a été postfacé par Miguel Abinsour, qui a intitulé son propre texte « Le choix du petit ». Par des petites choses, on peut faire bouger les dominations en matière de représentation. Adorno détestait Heidegger. Je suis désolée d'y revenir, mais enfin, c'était le but aussi qu'on dialogue un peu, Laurent Villevieille, parce que justement, Heidegger oppose aux représentations simplistes l'idée d'un authentique. Adorno oppose l'idée des petites choses qu'on a mal vues. Et il a écrit un texte très violent sur Heidegger, « Jargon de l'authenticité » en 1964. Là, on touche peut-être le fond du débat. Heidegger n'est pas quelqu'un qui permet, pour quelqu'un comme Saïd, de déjouer l'orientalisme. Oui, alors ça, s'agissant de l'authenticité, c'est un terme qui est un terme un peu, comment dirais-je, une étiquette qui a été collée sur Heidegger. En fait, ce que Heidegger entend par là, c'est la possibilité de sortir de disons, du somnambulisme de l'existence quotidienne, et ça n'est donné que par moments. Donc il ne s'agirait pas de séparer les gens entre personnes authentiques et personnes inauthentiques. Oui, il s'agit d'une existence qui peut être, d'ailleurs il y a plusieurs traductions possibles, authentique ou propre, c'est-à-dire proprement elle-même. Et évidemment, ça ne nous est donné que par moment, tout le problème étant de garder un souvenir suffisamment fidèle du moment où ça nous a été donné de le voir. Adorno, de ce point de vue-là, je me risquerais à dire qu'il n'a pas tout à fait identifié ce dont il s'agissait chez Heidegger. Et je sais que Adorno a souffert, de ce point de vue-là, du sentiment d'être un peu mis à l'écart d'un cercle intellectuel où Heidegger occupait une place importante. Et donc, les authentiques lui inspiraient une certaine amertume. Dernier mot, j'en suis navrée, pour Sonia Dayan. Ce qu'il y a aussi avec Adorno et Saïd et vous, c'est un sens de l'exil. C'est ça qui permet de créer des brèches. Essayer de n'habiter nulle part, parce qu'en vérité, il n'y a pas de réel, disiez-vous. On ne peut pas habiter complètement quelque part sans risquer des stéréotypes. Il n'y a pas d'appartenance, aussi bien chez Adorno que chez Saïd. Il n'y a pas d'appartenance, il n'y a pas d'identité. Oui. Il n'y a que de la critique. Mais pour Saïd, justement, c'est à partir de cette position de ne pas en être, d'outsider, que quelque chose devient possible. C'est-à-dire que c'est décollé de l'appartenance, de toutes les appartenances, y compris les appartenances nationales, hein, qui mettaient en cause. Il disait que sa seule patrie, c'était New York, qui était une ville éminemment cosmopolite. Donc, c'est cette non-appartenance qui permet effectivement d'introduire des brèches. L'exil comme épistémologie, d'une certaine façon. C'est l'exil comme épistémologie, oui. C'est la situation qu'il appelle aussi d'intellectuel critique, c'est-à-dire c'est le terme d'outsider, hein, donc c'est être toujours à l'extérieur, out of place, oui. C'est le titre de son autobiographie. Un peu plus. Bob Azam, fais-moi du couscous en 1960. Eh ben, un orientaliste, non? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, il n'y a pas de couscous. Il n'y a pas de couscous. J'ai le couscous au Liban. Enfin, il n'y a pas de couscous. Donc, c'est vraiment couscous, la reconstruction. C'est le Maghreb. Voilà. Donc, c'est vraiment de l'orientalisme. C'est vraiment de l'orientalisme, ouais. Mais c'est de l'auto-orientalisation. C'est notre clin d'œil à nous. Mais il y a une très, très belle musique dite orientale. Hein. Mmh. voilà, avec une gamme orientale, avec heureusement il y a des musicologues comme Frédéric Ladegrange qui travaillent là-dessus, c'est très très beau. Hein. Merci en tout cas Sonia Dayan-Herzbrun et Laurent Villevieille pour vos éclairages ce matin. Les références de vos travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie. Écoutons maintenant Frédéric Worms. Sa chronique cette semaine porte sur la différence et l'indifférence. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi Deleuze a-t-il parlé d'un plan d'immanence ? Dans les années 60, les philosophes français se battaient, pour ainsi dire, tous avec le problème de la différence, le problème d'une différence qui ne serait jamais réductible à un genre a priori, à une nécessité logique, mais qui ne serait pas non plus, c'était leur hantise aussi, en tout cas celui dont nous allons parler maintenant, Gilles Deleuze, c'était aussi sa hantise que la réalité de la différence entre vous et moi, entre une singularité, entre un individu, entre une vie et une autre, cette singularité radicale, nous fasse croire de nouveau à un dualisme radical, à une transcendance absolue, que ce soit la transcendance d'un être par rapport à l'immanence des sensations, un absolu de la substance, comme chez Leibniz, ou bien une coupure entre le sujet et l'objet. Comment penser des êtres différents sans reconduire un dualisme de la transcendance par exemple du sensible et de l'intelligible, du sujet et de l'objet? Comment penser des singularités qui émergent tout le temps sans les ramener à des absolus qui échapperait à la condition de l'expérience, qui est malgré tout pour Deleuze unique pour tous les êtres, qui est un être auquel nous appartenons tous, qui nous dépasse, et un être en plus chaotique, un univers un peu comme chez Nietzsche, celui de l'éternel retour. Comment concilier, comme dans le titre de son très grand livre de 1968, la différence et la répétition. Une différence fondée sur une répétition qui ne s'y arrache jamais totalement, comme chez Nietzsche l'éternel retour, mais en même temps une répétition qui produit de la différence. Eh bien, pour penser cela, Deleuze reprend une notion qu'on oppose souvent à la transcendance comme différence d'ordre, comme différence absolue, c'est la notion de l'immanence. Immanence, c'est être dans, résider dans, manérer dans un seul type d'être, un seul niveau de l'être. Mais chez Deleuze, c'est un plan d'immanence. Cela veut dire que dans cette immanence, qui est en fait la vie, l'immanence d'un courant, l'immanence non pas d'un donné, mais d'un courant, eh bien, des différences émergent tout le temps, sans jamais en sortir absolument. Absolument. Le plan d'immanence, c'est donc une force, une énergie. Nous appartenons à un être unique, mais un être qui nous produit comme singularité. Alors évidemment, on peut trouver que ces singularités sont insuffisantes. De mon point de vue, Deleuze n'a jamais réussi à penser totalement l'individuation, l'existence singulière. D'ailleurs, dans son dernier texte ultime, l'immanence, une vie, trois points de suspension, il parle de l'émergence d'une vie entre la vie et la mort. Son modèle, c'est cette émergence partielle, fugitive, précaire, sur le fond d'une immanence qui reprendra toujours ses droits, une vie en général, une vie parfois créatrice mais aussi destructrice, une vie qui emportera toutes les différences, l'immanence comme force aussi destructrice qui emportera tout. Il y a donc chez Deleuze ce pessimisme aussi du chaos, de l'immanence, cette émergence partielle des vies. Ce n'est peut-être pas suffisant, mais c'est la grandeur aussi d'une pensée philosophique de se battre avec un problème, et son problème c'était justement l'émergence de la différence sans accepter de la porter au niveau de la transcendance, comme le fait par exemple au même moment Emmanuel Lévinas du point de vue de la transcendance éthique. Ce problème qui a fait la difficulté et la grandeur des années 60 et 70 en France, Deleuze le résout donc par cette étrange notion d'un plan d'immanence qui finira par nous engloutir, mais entre-temps nous y aurons émergé comme des singularités. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Marie-Claire Oumabadi. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Axel Dubois, Chaïma Giboire, Carla Michel et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.